Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Comme chaque dimanche soir, DJ Case est là avec ce morceau qu'on écoutait à l'instant. Jnune, Rimka, Jules et Diesel, gros son. Et on pourra le retrouver sur Paris en New York, l'album qui sort le 25 août. Alors petite par contre, ce que j'aimerais comprendre, c'est Jnune. Jnune. Quelle est la définition exacte, toi qui t'y connais en linguistique? C'est un peu la traduction exacte, ça serait possédé. Voilà, possédé, je suis Jnune. Un petit peu comme vous, quoi. Comme chaque dimanche soir, on est totalement jnonné. C'est ça. Voilà, donc on est possédé. Mais ça vient d'où, c'est cette expression? Toi, tu l'as entendu quand pour la première fois? Non, mais je sais qu'il y a un acteur d'internet qui surfe un peu dessus. Il s'appelle Swagman, je crois. Ah, c'est Swagman? Swagman, ouais. Le mec est tatoué de partout. Et il est trop fort, Swagman. On lui passe une dédicace. Il est marrant. Ah donc ouais, ça viendrait de là. Donc non, ça vient pas de Swagman. Non, mais ça a été propulsé un peu. Voilà, c'est ça. D'accord, et puis c'est vrai que c'est repris un peu dans les morceaux un peu partout en ce moment. Jnune. Bah écoute, voilà. c'est le morceau qui sera sur Paris Rock New York. C'est ça, sur Rail Suprême, on est Jnune. On est totalement Jnune. Fabien, il est Jnune. Oh, bah lui, il est plus que Jnune alors. Il est méga Jnune. Il est même Jnounette, quoi, je dirais. Mais tu ne dévends pas, Case. Allez, on est reparti, Case, avant que ça dérape. Allez, on part avec l'OMB. Skyrock, Rai Suprême, c'est DJ Case. No. Skyrock, Rail Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. Avec Khaled, j'aperçois le trace, les paillettes. C'est fini la caillette, corps. On check à l'heure, faut que j'aille chercher mes trophées. Deux oiseaux à l'heure, c'est dans le fait que ça va chauffer. J'arrive sur le bled, non t'inquiète. C'est pas pour faire un copain, c'est un français, je viens de l'écraser. M'arrête sur les coudas, mat mes semelles, qu'est-ce que sont des concurrents, il est dégoulasse. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est coudard et dégoulasse. Bref, rappelez où les têtes, rajoute pira. Ouh, katelka, lion walkira. J'suis très bien entouré, mat mes potes que des tarés. Hein. Pour tous pourrés, on va se finir au cabaret. J'ai failli décéder, j'ai ramené trois fusées mais j'arrive pas à me décéder. J'ai dû virer Barbie, elle était trop sœur de Ken. La crème en Ferrari, roule à 200 sur les quais. J'fonce au cabaret, à la fermeture du rail. Ce soir, ne me cherche pas, j'pourrais te fumer sur du rail. Rougataga, mon équipe est respectable. Argent l'équipe, gardez vos cartes pour le spectacle. Crème collège, toujours à l'aise, j'étais jeune à Paris. Une pour la corniche oranaise, on passe par Alger. Un petit détour pour la famille, j'vais buter des incous avec des blends à la vanille. Et c'est déjà la fin de l'émission, Case. On a fini avec le morceau Full Bordel. à la fin de l'émission. Pas mal, terrible même ce morceau. Ouais, il déchire. Donc il est dans le projet, c'est l'artiste et Camero, le titre c'est Full Bordel. On l'a mis les fois précédentes et on le réclame souvent, donc on le met. Et voilà, et ce sera le 25 août dans les bacs. 25 août dans les bacs. On précommande dès maintenant ou pratiquement là dans la cette semaine. Cette semaine, ouais, c'est ça. Allez, guetter Paris, Oran, New York. Faut guetter, album et choper. Que des inédits DJ Case. C'est ça. Merci pour cette soirée, Case. Merci à toi, Fred. Semaine prochaine, t'es là tout l'été, tu vas mixer tout l'été. Tout l'été, on est là. Et ben voilà, avant de repartir en soirée au mois d'août. Avant de repartir en soirée au mois d'août, début août, entre le Maghreb et le bassin méditerranéen, hein, principalement. Et ben vous suivrez les aventures de DJ Case au mois d'août. Sur les réseaux sociaux. Merci à toi, Case. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec Rise Supreme, c'est la semaine prochaine, et là, c'est reparti. Non-stop rap R&B sur Skyrock. Ciao.